ces défauts humains nous donnent dans la vie des moyens d'exercer notre philosophie. Quel est le point commun entre Molière et Charlie Chaplin ? Pas la moustache, ni la démarche, mais cette même façon de s'adresser à celui qui les regarde avec une complicité sans précédent. Molière, comme Chaplin, joue en duo avec le spectateur, créant par là une distance entre le rôle qu'il joue et l'âme qu'il y met. Le personnage d'Alceste, créé et joué par Molière, manque de cette précieuse distance qui permet de jouer et de composer avec un autre que lui. C'est ce qui fait de lui un misanthrope. Cette grande roideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps sans obstination. Obstination, et c'est une. C'est pas ça du tout, hein. Obstination, c'est pas ça du Pourquoi tout. Pourquoi c'est pas ça? Alors c'est obstination, perfection. C'est complètement archaïque comme diction. Non, mais ce sont des alexandrins, Gauthier. Un alexandrin, ça a 12 syllabes. Il faut fléchir autant sous obstination, comme tu l'as dit. Eh bien, il manque une syllabe. Il y en a 11. Pour en avoir 12, il faut dire il faut fléchir autant sans obstination. Mais je m'en fous, moi, des syllabes. Je suis pas à l'école. Je suis pas en train de faire une matinée classique. Moi, je joue pour le public d'aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, parce que toi, t'es branché sur le public d'aujourd'hui. Les gens viennent voir le misanthrope parce que ça leur parle de maintenant. Hein? Ça rime à rien de le dire à l'ancienne, là. Molière, ce sont des alexandrins. T'as le droit de les respirer à l'intérieur comme tu veux. Mais il n'y a qu'une seule façon de les dire. Parce que tu trouves que je joue comme un téléfilm, c'est ça? Tu sais ce que disait Jouvet? Arrête avec Jouvet! Hein? Tu nous emmerdes avec ton Jouvet! Jouvet disait que quand tu enlèves une syllabe à un verre, c'est comme si t'allais chez un marchand de légumes, que tu demandes un kilo d'orange et qu'on t'en donne 800 grammes! Ça s'appelle du vol! Tu sais ce qu'on va faire? Si tu veux le dire à l'ancienne, hein, pas de problème, tu le fais, hein. Et obstination, préparation, masturbation, tout ce que tu veux. Mais tu me laisses dire le texte comme je l'entends moi! D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Francis Huster. Bonjour, bien, je vais intervenir tout de suite pour dire que ce qu'on vient d'entendre est à l'image de toutes les conneries, de toute la honte qu'on peut avoir à propos de Molière. Alors il faut tout de suite en parler. Présenter le film d'ailleurs, c'est Alceste à bicyclette, le voilà, film de Philippe Ruguet, avec Fabrice Lucchini et Lambert Wilson. Voilà, Fabrice est un déclamacteur, c'est-à-dire qu'à l'époque du 17e, on déclamait, et des acteurs français continuent de faire de la déclamation. Ça veut dire que pour eux, il s'agit d'interpréter le texte, de dire le texte, de phraser le texte. Ça n'a rien à voir avec Molière. La deuxième catégorie d'acteurs, c'est celle dont moi je fais partie et dont on fait partie plein d'autres acteurs qui sont absolument révolutionnaires et qui sont contre ces acteurs qui font du théâtre. C'est absolument pas ça qu'il faut faire. Il faut vivre le texte et non pas le dire. Et vivre le texte, ça veut dire non pas comme le prétend Fabrice dans son rôle là. Oui, c'est ça. C'est un peu ce que fait Fabrice. Donc ça veut dire, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Fabrice, mais on fait pas le même métier. Je veux dire, joueur de tennis, c'est pas joueur de ping-pong. Et donc ça veut dire que incarner Molière, c'est incarner la vie. Et que le coup de génie de Molière, c'est justement de ne pas être, comme le dit Fabrice, un classique alexandrinophobe, mais pas du tout. C'est d'être au contraire quelqu'un qui est dans la... C'est pour ça qu'on dit la langue de Molière, le français. C'est quelqu'un qui est dans la vérité de la vie. Et pas dans cette espèce d'élite de gens qui pensent sur scène que le théâtre leur appartient, qu'il faut jouer du théâtre et que c'est un art. Non, ça n'est pas un art. C'est pour ça que je suis très heureux, je vous remercie Adèle de m'accueillir dans ce qui est chapeauté par le mot philosophie. La philosophie, c'est pas ce qu'on pense des autres, c'est pas ce qu'on pense de soi-même, c'est de ce qu'on pense de ce qui nous appartient pas. Mmh. Ça veut dire que jouer sur scène du Molière, c'est non pas le rythmer, le phraser, c'est s'y abandonner. Ça veut dire que là, pendant l'heure qu'on va passer ensemble, je ne veux pas vous parler de Molière. Je veux que ce soit Molière qui vous parle. Et Molière a inventé, exactement comme Chaplin avec Charlot, une marionnette, puisqu'il s'agit de Charles Spencer Chaplin et de Jean-Baptiste Poquelin. Tous les deux ont inventé leur marionnette. La marionnette, c'est Charlot. C'est pour ça qu'on dit qu'on va voir les films de Charlot et pas les films de Chaplin. Et c'est pour ça qu'on dit que l'œuvre est celle de Molière, l'acteur, la marionnette qui a pris possession de cette œuvre pour la faire vivre. Et ben, j'en ai assez, au bout d'un demi-siècle de ce métier, que ceux qui pensent avoir dans leur esprit la bonne méthode pour incarner, pour être là, pour parler. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Laissez-moi là, vous dis. J'ai quoi? Mais c'est honteux! Il y en a marre de ça. Je veux plus l'entendre. Molière n'est pas un classique, c'est un moderne. Ça veut dire, et c'est ça que fait magnifiquement Eric Ruffet, la troupe de la Comédie Française, c'est-à-dire que Molière, à chaque fois, à chaque troupe amateur, professionnelle, peu importe, doit être réinventé, doit être revivifié. Ce qui montre que le film de Philippe Le Guay met le doigt sur quelque chose, visiblement. Si ça crée autant d'émotions, c'est donc il y a vraiment deux façons de jouer Molière. Absolument. Rendons grâce donc à ce film, Aceste à bicyclette. Le parallèle entre Chaplin et Molière, c'est à vous que je dois, Francis Huster, dans votre dictionnaire amoureux de Molière, paru l'an dernier aux éditions Plon. Un formidable dictionnaire amoureux de Molière qui je crois, peut susciter l'amour chez celui qui ne l'aurait pas encore et ne fait que l'amplifier chez celui qui l'a déjà, l'amour pour Molière. Donc je suis très heureuse de vous recevoir ce matin pour en parler et parler du Misanthrope en particulier. C'est votre pièce préférée de Molière ? Oui. Pourquoi ? Pour sa simple raison que quand on va voir une pièce de Molière, on n'est pas là dans la salle pour admirer justement le jeu de virtuose des acteurs, mais pour soi-même, sur scène, s'y projeter. Ça veut dire que le Misanthrope n'est pas du tout une pièce qui a été complètement trahie de façon mais scandaleuse par l'éducation nationale, qui continue à raconter des conneries comme quoi Philinte est l'honnête homme, alors que c'est un faux cul, une saloperie. Et justement, cette pièce nous appartient, nous, ça veut dire le peuple. Ça veut dire que quand un gosse de 12 ans voit le Misanthrope, il doit lui-même se projeter sur scène et se dire « Oui, moi, je suis comme Alceste. Oui, moi !» Ou alors, c'est un faux cul, une ordure, et il dit « Oh, mais non, moi, j'en ai à la foutre des autres. Moi, je suis Philinte, il a raison. Ouais. Et puis, basta, je m'occupe que de moi. » Voilà pourquoi Molière est vivant, sera éternel, alors que dans 3 ou 4 siècles, tous ceux qu'on honore du nom de classique disparaîtront. Ça veut dire qu'à l'époque de Virgile, de Homère, combien il en reste? On peut même pas en compter 5 sur le bout des doigts. Eh bien, Shakespeare et Molière resteront encore dans 4 ou 5 siècles, parce que cette vie qu'ils ont mis, elle est faite non pas d'une diction et d'une déclamation, mais au contraire, elle est faite de regards, des fenêtres de l'âme, comme disait Shakespeare, ces yeux qui nous prouvent que vous mentez ou que vous êtes dans votre vérité. Regardez bien ce qui se passe en Ukraine. Regardez bien le visage de Joe Biden, qui a déshonoré l'Amérique. Jamais John Fitzgerald Kennedy n'aurait laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il y a 42 millions d'Ukrainiens, 70% sont des chrétiens, et le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire « Tuez-moi, je représente le Christ !» Je représente le Christ! Est-ce que vous croyez que Jésus serait resté au Vatican? Est-ce que vous croyez que John Kennedy aurait laissé des millions d'Ukrainiens avoir leur vie brisée? Certainement pas. Vous voulez dire Oui, Joe Biden est coupable. Absolument. Absolument. Il est en train de déshonorer l'Amérique. Comme Roosevelt a déshonoré l'Amérique. Roosevelt nous a abandonnés, les Français et les Anglais. Et quand Churchill a été supplié Roosevelt de venir en guerre, non, il a refusé. Si nous sommes ici, c'est grâce à Winston Churchill qui n'a pas cédé, qui n'a pas signé quand Hess est allé en Angleterre pour faire signer l'armistice. Si nous sommes ici, c'est grâce à Churchill qui s'est battu jusqu'au bout, qui a refusé de signer un armistice. Donc aujourd'hui, dites-vous bien que ce qu'a vient de faire Joe Biden, de déshonorer les États-Unis, je veux vous dire, et le pape François, qui lui est complètement dans son tunnel, au lieu d'être là-bas et de mourir pour ces chrétiens d'Ukraine, eh bien, je peux vous dire que quand on a 12 ans et qu'on assiste à une pièce de Molière comme le Misanthrope, et qu'on se met dans la peau d'Alceste, on ne peut que réagir de cette façon-là. Et c'est ça la philosophie. C'est pas de réagir intellectuellement comme si la philosophie était une semelle dans l'esprit qui pue la poussière intellectuelle et qui n'est réservée qu'à certains. Non, la philosophie, au contraire, c'est de penser non pas pour soi, mais pour les autres. Et la philosophie actuelle, c'est de se dire que les millions de Français sont en train, eux-mêmes, en ce moment, d'avoir leurs immeubles écrasés, bombardés, d'avoir leur vie foutue, d'avoir leur famille ensanglantée, détruite. Et ces enfants, et ces femmes, et ces hommes qui auront été sacrifiés par la plus grande puissance du monde. Croyez-moi, Dieu existe et il va s'en souvenir. Voici le début de, le début du Misanthrope, scène 1, acte 1, avec, vous allez reconnaître les personnages, c'est une mise en scène de Pierre Dux. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quelle bizarrerie. Laissez-moi la bouddhie, je vais courir vous cacher. Mais on entend les gens, moi, sans se fâcher. Moi, je veux me fâcher. Et ne veux pas t'entendre. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi qu'amis, enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami, rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusque ici profession de l'être. Mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Et ne veux nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez, vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Et tout homme d'honneur s'en doit scandaliser. Je vous vois accabler un homme de caresses et témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments, vous charger la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande, après, quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Votre chaleur pour lui tombe en vous séparant. Et vous me le traitez, à moi, d'indifférent. Morbleu, c'est une chose indigne, lâche, infâme, de s'abaisser ainsi jusqu'à trahir son âme. Et si, par un malheur, j'en avais fait autant, je m'irais de regret pendre tout à l'instant. Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable, mais je vous supplierai d'avoir pour agréable que je me fasse un peu grâce sur votre arrêt et ne me pende pas pour cela, s'il vous plaît. Que la plaisanterie est de mauvaise grâce. Sérieusement, que voulez-vous qu'on fasse? Je veux qu'on soit sincère. Et qu'un homme d'honneur, on ne lâche aucun mot qui lui parte du cœur. Lorsqu'un homme vous vient embrasser avec joie, il faut bien le payer de la même manoire. Répondre comme on peut à ses empressements, et rendre offre pour offre et serment pour serment. Non ! Je ne puis souffrir cette lâche méthode qu'affecte la plupart de vos gens à la mode. Et je ne hais rien tant que les contorsions de tous ces grands faiseurs de protestations, ces affables donneurs d'embrassades frivoles, ces obligeants diseurs d'inutiles paroles, qui de civilité avec tous font combat et traitent du même air l'honnête homme et le fat. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, on parle de Molière cette semaine, ce matin du Misanthrope en compagnie de Francis Huster. Vous venez d'entendre le début du Misanthrope, mise en scène de Pierre Dux avec Jacques Duménil dans le rôle d'Alceste et François Chaumette dans le rôle de Philinte. Vous dites, Francis Huster, dans votre dictionnaire amoureux de Molière, que la première scène du Misanthrope est le diamant de toute l'œuvre de Molière, comme pour Shakespeare le monologue d'Hamlet. Oui, et ce qu'on vient d'entendre est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est exactement ce dont on parlait, des acteurs qui, ils le croient le mieux possible, sont là, ils font du théâtre, et ils parlent, laissez-moi, je vous prie, mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie, laissez-moi là, vous dis-je. Non, c'est pas possible, c'est justement le contraire. Ça veut vous dire aviez que... demandé une mise en scène mais de Pierre Dux. Mais bien sûr, je l'ai demandé pour parler. Ah, pour en dire du mal. Mais bien sûr, pas pour en dire du mal, pour en dire la vérité. J'ai dirigé pendant 40 ans des jeunes, où tous les jours au cours Florent, et maintenant sont les grandes stars de leur génération. Pourquoi ? Parce qu'ils sont eux-mêmes dans leur existence. Il ne s'agit pas sur scène de faire un personnage. Ce qu'on vient d'entendre, ce sont deux acteurs sublimes, Duménil et Chaumette, en train d'interpréter des personnages. Mais non, c'est pas ça justement. Je vous explique. Le personnage, Adèle, c'est ce qu'il y a décrit dans le livre. C'est-à-dire, on appelle personne âge. Ça veut dire que ça peut être une femme, un homme, personne, une personne, et âge suivant l'âge. Alors c'est Eugénie Grandet, c'est Hélène Bondantès, c'est qui on veut. Ce personnage, ce sont des mots ancrés qui restent à l'intérieur de ce livre. C'est un cimetière de mots, un livre. Ça n'a rien à voir avec le théâtre. Qu'est-ce que c'est que le théâtre? C'est tout d'un coup un art vivant, je dis bien vivant, et pas de référence sur l'ancien. C'est un art vivant qui fait qu'à partir de ces personnages, on crée. C'est quand même inadmissible que personne dans l'éducation nationale ne l'ait dit, alors que les gosses savent très bien que c'est carton rouge, carton jaune, la balle en dehors du terrain, pénalty. Alors je vous explique, on passe du personnage au rôle. Ça s'écrit R-O-L-E avec un accent circonflexe qui est comme le toit du théâtre. Qu'est-ce qu'un rôle? Un rôle, c'est l'incarnation vivante comme une sculpture d'âme, avec son âme, avec les silences, avec les regards, exactement comme la sculpture de Rodin. Tout d'un coup, on est dans un angle, tout d'un coup, dans un droit, tout d'un coup, on est dans une forme happée et sexuelle. Eh bien, il se trouve que le rôle qu'interprète l'acteur, pas un acteur ne doit interpréter le même rôle. Les acteurs ne sont pas là pour interpréter des personnages comme le font ces deux acteurs, en phrasant, en parlant comme à l'époque, en faisant des liaisons comme disait Fabrice tout à l'heure. Pas du tout. Le rôle, ça veut dire de le jouer là, en 2022, avec justement ce qui se passe dans le monde, avec la force, avec la rage, avec la colère, avec la haine, avec la tendresse humaine, et de mettre cette émotion dans le rôle qu'on interprète. Ça veut dire que quand tout d'un coup, on prend le misanthrope et qu'on le joue de cette façon-là, qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Encore? Dites-moi, quelle bizarre... Laissez-moi là, vous dis-je! Et courez vous cacher. Mais on entend au moins les gens sans se fâcher. Moi? Je veux me fâcher. Et de point en temps, dans mon brusque chagrin, je ne puis vous comprendre, Alceste. Et quoi, Camille? Enfin, je suis tout des premiers... Moi? Votre ami? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait, jusqu'ici, profession de l'être. Mais après ce qu'on vous, je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus. Et ne veut nulle place en des cœurs corrompus. Je suis donc bien coupable, Alceste, à votre compte. Allez! Vous devriez mourir de pure honte. Une telle action ne saurait s'excuser. Tout homme d'honneur s'en serait scandalisé. Je vous vois accabler un homme de caresses, témoigner pour lui les dernières tendresses, de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après, quel est cet homme? À peine pouvez-vous dire comme il se nomme. Mais ça veut dire, Francis Huster, qu'il faut être forcément en colère pour jouer Alceste? Alceste est un rôle magnifique parce que, exactement comme Cyrano de Bergerac, et on peut dire qu'avec Don Juan et Figaro, ce sont les quatre plus beaux rôles du théâtre français, il est magnifique, Alceste, parce qu'il perd l'idée absolument magistrale de tendresse humaine et de dignité, car la dignité, on la trouve quand on perd, comme justement, en ce moment, les Ukrainiens, leur dignité, parce qu'ils perdent et qu'ils sont écrasés. Eh bien, Alceste est un héros qui perd. Zelensky, comme Alceste, Cyrano, il perd. Alors Roxane a beau lui dire que finalement, l'amour existait en fait sans qu'elle le sache entre lui et elle. Il perd sa vie. Et la seule chose que ne perd pas Cyrano, c'est sa dignité et son honneur. Et c'est exactement pareil pour Alceste. Il ne quitte pas Célimène. Il se quitte lui-même. C'est-à-dire qu'il considère que dans la société dans laquelle il vit, il se conduit absolument de façon haïssable par rapport à ce qu'il veut faire. Alors, il ne peut plus supporter dans ce monde-là. Il fout le camp. Donc c'est lui qui l'abandonne, parce que en partant dans son désert, Alceste, il l'aimera toujours, Célimène. Elle sera toujours dans sa poitrine. Et c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre. Et c'est pour ça que Molière a compris que les vrais héros sont ceux qui perdent tout, que ce soit leur vie, que ce soit leur amour, que ce soit leur place dans la société, mais qui gardent leur dignité. Le parallèle avec Cyrano se tient, si ce n'est que justement, Cyrano, s'il y a une chose qu'il garde, vers sa dignité peut-être, mais surtout c'est son panache. N'est-ce pas le panache qui manque à Alceste? Alors je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que Adèle est à tomber par terre de beauté, qu'elle a un regard magnifique, qu'elle a une bouche sensuelle, qu'elle a une émotion extraordinaire. Et que... Non, non, mais c'est pas ça. Mais qu'elle est pas mais qu'on est en désaccord sur la... Non, c'est pas ça. C'est qu'elle vient de faire quelque chose qui est complètement Célimène. C'est-à-dire que dans son regard, il y a... Ben, je t'écoute maintenant, réponds à ce que je viens de te dire. Et c'est exactement ce qui se passe entre Célimène et Alceste. Ben alors j'attends. C'est-à-dire qu'il ne peut plus lui répondre. C'est-à-dire que il sait que sa raison à lui, Alceste, c'est d'avoir tort. C'est pas parce que Philinte est une ordure, un faux cul, un hypocrite, un menteur qu'il a tort. Non. Non. Philinte a raison. C'est-à-dire que dans ce monde de pourri, faut vivre comme un pourri et se conduire comme un pourri. Et puis, peut-être 30% de sa vie, essayer de faire quelque chose qui rétablit un peu l'équilibre. Et Alceste, lui, ne veut pas supporter d'avoir tort. Et c'est pour ça que je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, les jeunes, que la grande réflexion que vous devez vous faire, cet homme, Poquelin, a été assassiné, il est mort à 51 ans, quand il écrit Le Misanthrope en 1666, il a 44 ans, il vient d'épouser 4 ans avant une fille qui a 20 ans de moins que lui, Armande Béjart, une jeune actrice, fille de Madeleine Béjart, dont il avait été l'amant des années avant. C'est pas du tout sa fille, c'est la fille, on le sait très bien depuis des siècles, et personne ne l'a dit jusqu'à ces derniers temps où je n'ai pas arrêté de le dire, que elle est la fille de la liaison entre Madeleine Béjart et un personnage très important, le comte de Modène. Et donc ce gars de 44 ans, il est au milieu de sa vie, il n'imagine pas qu'il va mourir là, bientôt, dans 7 ans, mais il se dit, je ne veux pas rentrer dans les personnages un peu stéréotypés, un peu caricaturaux, de comédie, les valets, les escaramouches, les mascaris, les scapins. Non, je ne fais rien que me mettre moi-même sur scène. Et il a écrit une très mauvaise pièce qui s'appelle Don Garcia de Navarre. Mais à l'intérieur de cette pièce Don Garcia de Navarre qui avait été un échec, il ressort ce qui lui appartient dans la pièce pour en créer ce personnage d'Alceste. On va entendre, alors justement, vous énoncez selon vous les conditions qu'il faut réunir pour jouer Molière selon la vérité, c'est votre terme. On a entendu une interprétation qui ne semblait pas vous satisfaire. Voici le témoignage de Jean-Paul Roussillon. Vous savez, mon travail à moi est d'essayer de savoir pourquoi ces gens disent ça. C'est d'être simplement de trouver avec les acteurs des sentiments qui permettent de dire les mots que l'on dit. Pour moi, si vous voulez, on a un peu trop l'habitude de dire Molière, c'est ça, voilà la forme de Molière, il faut du ton, il faut articuler et tout est comique, drôle, trouver un ton gai. C'est peut-être vrai pour les spectateurs, mais quand on a à le jouer et que l'on a à dire ces choses-là, il y a quelque chose qui est difficile à trouver. Ou alors on ne dit que des mots pour des mots, ou alors si on essaye d'avoir envie de dire ces mots, on a moins envie de ce ton obligatoirement gai et drôle. Je vous dis sincèrement que peut-être... J'ai tendance à trop voir les choses au noir, à trop vouloir justifier ces mots. Peut-être, sûrement. De toute façon, je n'ai pas la prétention de dire c'est comme ça que l'on doit jouer Molière. C'est comme ça que je le vois, moi. Francis Huster, vous levez le doigt, vous avez la parole, je la donne. Ce que je veux dire, c'est que Jean-Paul nous a mis en scène, Isabelle, Lumila, Simon N, Michel, François Seigné et tout, dans un misanthrope, dans un avare, on peut encore voir, bien sûr. En 69, la Comédie française. Magnifique, mais c'est pas ça. C'est que Jean-Paul ne voyait pas les choses en noir, il les voyait en relief. Ça veut dire que, comprenez bien, à son époque, on parlait de Poquelin en disant c'est le peintre. Molière, c'est le peintre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un peintre, il a des pinceaux, des couleurs bleues, jaunes, rouges. Il les mélange, parce qu'il n'y en a que trois. Hein. Donc, il les mélange, ces comment couleurs. Il n'y en a que trois couleurs dominantes. C'est bleu, jaune et rouge. À partir du bleu et du jaune, tu fais vert, à partir de... etc. Et donc, ça veut dire qu'il y a des nuances de ton totalement différentes dans le bleu. Le bleu foncé, c'est pas le bleu indigo, c'est pas le bleu clair, c'est pas le rouge vermillon, c'est pas le rouge carmin, etc. Donc, ça veut dire que le peintre a la possibilité, en mélangeant les tons différents, de faire son tableau. Eh bien, on appelait Molière le peintre parce que lui-même faisait un tableau d'âme. Ça veut dire que la tendresse, c'est pas la délicatesse, la peur, c'est pas la panique, la rage, c'est pas la colère. Donc, ça veut dire que ce que demandait Jean-Paul Roussillon et ce qu'on doit demander à un comédien, et c'est ce que font merveilleusement dans les derniers spectacles, justement, le malade imaginaire ou Tartuffe au français, les acteurs du français, les actrices du français, c'est-à-dire que on leur demande de sortir tout d'un coup, c'est le rôle du metteur en scène, allez, je t'écoute. Alors, par exemple, si c'était le misanthrope, j'ai su là-bas. Non, c'est pas, il est vindicatif. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai su. Non, ça, c'est pas vindicatif. Ça, c'est vraiment la prétention vindicatif. J'ai su. Voilà. Ah, ça, c'est, tu l'as. Donc, ça veut dire qu'on demande à un acteur d'être un peintre de l'âme. Et c'est pour ça que ce rôle, comme une sculpture d'âme vivante, c'est en fait la peinture de toutes les émotions, de tous les tons différents que l'acteur doit prendre. C'est pourquoi c'est quoi le ton de la scène? C'est cette somme là, cet arc-en-ciel, cette palette de jeu qui fait que tout d'un coup, quand on a la chance de se trouver en face vraiment de cette catégorie là d'acteurs, on peint en même temps, en tant que spectateur que spectatrice, ce que l'acteur est en train de révéler au fur et à mesure de la représentation. C'est pour ça que des souvenirs de théâtre restent ancrés en vous, mais ancrés E-N-C-R-E, et pas seulement ancrés A-N-C-R-E, ancrés en vous pour tout le restant de votre vie. C'est quelque chose d'inoubliable d'avoir eu l'âme colorée par l'acteur, grâce à l'auteur. Et on s'en souvient toute sa vie. La métaphore de la peinture fonctionne à merveille, mais il y a aussi, on l'a entendu de la première scène, et on peut l'entendre à nouveau, une question de rythme dans cette pièce. C'est un rythme effréné, c'est comme un ping-pong. Il est très difficile de s'arrêter, y compris dans l'écoute. Quand on assiste à cette joute verbale, on ne sait même pas où s'immiscer. Et on a l'impression que ces deux acteurs, Alceste d'un côté, Philinte de l'autre, ne parlent qu'à eux-mêmes ou ne parlent qu'au public, ils ne sont pas en train d'échanger quelque chose. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vous signale qu'Adèle est en train de sourire et qu'elle peut, si elle était professeure de théâtre ou metteur en scène, je suis sûr que les acteurs ou les élèves en face d'elle auraient dit oui, bien sûr. Mais, eh bien, je suis pas du tout de cet avis-là. Le rythme, Adèle, a rien à voir avec le solfège du théâtre. Ça veut dire que dans une partition, il y a un solfège, pas un rythme. Ça veut dire que tout d'un coup, tu as des blanches, des croches, des triolets, t'as marqué diminuendo, sforzando, allegro, etc. Ça veut dire que l'acteur ne doit pas se soumettre comme le font justement de façon insensée les acteurs de la première catégorie, les déclamacteurs. C'est le rythme. La cigale et la fourmi. La cigale et l'enchantée. Non, mais c'est vous qui avez une vision erronée du rythme. Le rythme, c'est pas forcément la déclamation. Le rythme, c'est ce qu'on a entendu. Mais vous venez de dire tout à l'heure, et tout le monde l'a écouté, qu'ils étaient dans une joute verbale et que tout d'un coup, ils se laissaient emporter par le rythme. Exactement le contraire. Pas. Ils n'ont rien à se dire. C'est ce que je viens de dire, Francis Huster. C'est justement qu'ils l'échangeaient pas. C'est pas ça. C'est qu'ils n'ont rien à se dire. C'est quand c'est je ça, dirigeais Alceste et Philinte, et avec, bon, des élèves comme avec des très grands comédiens, Hirsch, par exemple, Robert, je disais, ils n'ont rien à se dire. Ils doivent trouver, en fonction de l'émotion qui se dégage de celui qui est en face de toi, tu dois trouver comme laisse la balle te parvenir avant de la taper avec ta raquette. Laisse la réplique, mais pas seulement la réplique sonore, mais la réplique de l'âme de l'autre te parvenir. Donc ça veut dire qu'il y a une différence entre des acteurs qui effectivement se laissent emporter par le rythme. J'ai remarqué, je te vois là bien satisfaite, toute chose t'est guère, rien ne t'inquiète. En bonne foi, dis-moi, crois-tu sans t'éblouir les yeux avoir de grands sujets, de paraître joyeux, ma foi? Je ne vois pas, lorsque je m'examine, ça c'est Acaste et Clitandre, tout d'un coup les deux marquis. Et c'est insupportable de les entendre comme ça. Alors qu'il faut se laisser exactement comme dans la vie, dans l'imprévisible, pas l'imprévu. L'imprévisible, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils n'ont rien à se dire, Alceste et Philinte. Et c'est parce qu'ils n'ont rien à se dire et qu'Alceste n'a pas du tout l'intention de dire un mot à Philinte, il va lui faire la gueule toute la journée, que tout d'un coup, l'autre, qui sait très bien que ça va éclater, dit « Qu'est-ce donc ?» Il répond pas. Faut laisser le temps qu'il réponde pas. Alors l'acteur, Alceste, regarde Philinte, dans son regard, il y a toute la pièce. C'est-à-dire un regard qui dit « faux cul de merde ». Et l'autre, qui a tout compris, c'est une jouissance pour lui. Il va pouvoir avoir une scène d'engueulade au lieu de s'emmerder tout seul à rien foutre. Il est là, il dit « qu'avez-vous ?» Complètement comme ça. Il y a quelque chose qui venait rouge. Qu'avez-vous ? Laissez-moi, je vous prie. Et le « je vous prie » est totalement... Attends, ne me pousse pas. Mais encore, dites-moi, quelle bizarrerie. Ça y est, hop, c'est parti. Donc ça veut dire que pour le spectateur, pour la spectatrice, qui est formidable avec Molière, et n'oubliez pas, la chose la plus importante dans les titres de Molière, c'est « malgré lui ». Le médecin, malgré lui. C'est-à-dire que c'est malgré lui que le spectateur est emporté dans la pièce et est obligé de prendre parti. J'ai eu la chance d'interpréter Corneille, Racine, toutes les tragédies, les plus grands auteurs, 17e, 18e, etc. Je dois dire qu'à aucun moment, quand on joue ces auteurs-là, le public n'est avec nous sur scène. Je vous assure qu'on est entre comédiens, on est comme dans un aquarium, on est concentré, exactement comme voilà la partie de tennis. On est ensemble, on s'arrête pas. Alors qu'avec Molière, le public est sur scène. Comment vous l'expliquez ça? Comment ça se passe concrètement? Je pense que ça tient au striptease de la langue. C'est-à-dire que il a enlevé tout l'inutile. Il n'y a pas de fioriture. Il va à l'essentiel. Vraiment. Quand il y a la tirade de Don Juan dans Don Juan, l'hypocrisie est un vice à la mode. Il va à l'essentiel. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer aujourd'hui. Et la profession d'hypocrite. Voilà, donc ça veut dire qu'il va à l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on a cru, naïvement, qu'une nullité comme Voltaire, et je pèse mes mots, qui lui ne va jamais à l'essentiel dans son théâtre, qui au contraire est merveilleusement bien écrit, bien sculpté, mais où il n'y a aucun aucune profondeur d'âme. Voltaire détestait Shakespeare. Alors, faut peut-être le dire à tous les professeurs qui nous écoutent. Voltaire a traîné dans la bouche Shakespeare. Mais je pèse mes mots, vous pouvez en regarder tous les documents. Voltaire considérait que Shakespeare était une nullité. Pourquoi? Parce que justement, Molière et Shakespeare, c'est l'âme qui parle et pas la pensée. C'est-à-dire que Molière et Shakespeare sont toujours en retard. Au lieu de donner des réponses, ils se posent des questions. Être ou ne pas être? C'est la question. Voilà. Alors que Voltaire serait-il tout de suite la réponse? Méfiez-vous de tous les grands auteurs, de tous les grands écrivains qui donnent des réponses. Et justement, la philosophie, et c'est ça qu'elle a de merveilleux, la philosophie, c'est qu'elle est là pour poser non seulement les questions sans donner les réponses, la réponse vous appartient, mais pour poser les mauvaises questions. Et c'est ça qui est magnifique. Dans le Misanthrope, c'est que contrairement à d'autres pièces, Alceste ne se pose que les mauvaises questions. Les bonnes questions, c'eût été de demander à Célimène « Et pourquoi tu m'aimerais ?» Il lui pose pas la question. Mais parce que vous le dites, il ne se la pose même pas à lui-même. Il sait qu'il a peur, de toute façon, Alceste. Voilà. Et c'est là où je trouve que il y a un parallèle extraordinaire pour les comédiens. C'est pour ça que j'espère Fabrice, dont je parlais tout à l'heure, ou d'autres comédiens. Après, je vous en supplie, jouez encore dans les 10 ans, dans les 20 ans que vous avez devant vous. Jouez Molière, incarnez Molière à l'intérieur de vous-même. Vous verrez la vie avec beaucoup plus de vérité. Vous serez obligé de choisir. Mais c'est vous, Alceste, Francis Huster. Vous parlez comme Alceste, en quête de vérité, obsédé par cette vérité. Je devrais pas le dire, mais je crois que comme Alceste, j'ai tout raté. J'ai tout raté. Le trac, vous connaissez? Oui, je l'ai. Ça se voit. Je remercie le jury qui m'a décerné ce Molière d'honneur. À l'unanimité, il paraît. J'aime bien l'unanimité, je trouve que ça rassure. Nous venons de recevoir cette lettre que l'on m'a demandé de te lire. 6 avril 1992, télégramme à Robert Hirsch. Je vous adresse mes plus sincères félicitations pour ce prix qui consacre votre talent, votre générosité mis au service de l'art du théâtre depuis 40 ans. De Shakespeare à Molière, de Racine à Feydeau, vous avez honoré la comédie française et redonné au métier de comédien ses lettres de noblesse. À travers ce Molière qui vous est ce soir décerné, c'est l'ensemble de la communauté théâtrale qui se trouve récompensée. François Mitterrand, président de la République. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. C'était le 6 avril 1992, c'était la 6e nuit des Molières. Robert Hirsch recevait un Molière d'honneur et vous-même, Francis Huster, étiez venu sur scène lire un message de félicitations adressé à Robert Hirsch par François Mitterrand. Comment faut-il penser le fait que Molière soit devenu aussi le nom d'une cérémonie, le nom d'une institution? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire avec ce qu'est Molière, la manière que vous avez d'en parler sur cet art du vivant sur scène? À partir du moment où ça devient le nom d'un prix, est-ce qu'on perd quelque chose? Adèle, c'est une question qui est lumineuse pour ceux qui nous écoutent, j'espère. C'est qu'il y a une différence entre des prix qui sont décernés par une profession à ceux qui en font partie et des prix qui sont décernés par des gens qui n'ont absolument aucun rapport avec cette profession. Il n'y a rien de plus rigoureux que le système de la Comédie française où les sociétaires se jugent eux-mêmes. Il y a eu des trahisons absolument incroyables, des magouillages, absolument déplorable. Mais justement, c'est ça qui fait la force, c'est de se juger soi-même. Et c'est d'accepter le jugement des autres comme une révélation de ce qu'on a pu laisser comme empreinte ou comme trace. La différence entre la trace et l'empreinte que peut laisser un artiste, je pense par exemple à Rému, à Gabin, à Bourville, à Fernandel, à Philippe, à Villard, à Pia, à Hirsch, enfin à Hossein, à tous ceux qu'on peut citer, il y en a certains qui laissent une trace, c'est-à-dire que ils ont interprété d'une certaine façon, ils ont mis en scène d'une certaine façon, ils ont écrit d'une certaine façon, et d'autres vont prendre comme un relais de témoin cette trace-là. C'est justement ce que fait Fabrice, c'est justement ce que font les déclamateurs, et c'est pas péjoratif, hein, c'est pour vraiment, c'est pour vous signifier la différence entre pile et face. Ceux qui sont déclamateurs, c'est pile, ça veut dire c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on perçoit. Face, alors que l'autre côté, c'est justement ce qui n'apparaît pas. L'autre côté, c'est Picasso qui traverse le miroir, l'autre côté, c'est Molière qui traverse notre propre miroir. Et donc, avoir la récompense de ceux qui font partie de l'autre côté, ça c'est extrêmement touchant, et là, c'est une empreinte. Ça veut dire que personne ne jouera jamais plus comme Gabin, personne ne jouera jamais plus comme Rému, personne ne jouera jamais plus comme Robert Hirsch. Alors, quand on a 20 ans et quand on veut entamer ce métier, il faut vraiment choisir, mais le plus humblement possible. Ou bien d'être dans ceux qui laisseront une trace, alors on fait partie de troupes, on suit un maître, on suit des metteurs en scène, on suit des partenaires, il n'y a aucun problème. Ou alors on laisse une empreinte et on se dit, je serai peut-être tout seul, je serai peut-être tout d'un coup tout en haut et tout d'un coup tout en bas, mais je n'en aurais fait qu'à ma tête. Mais vous êtes sociétaire de la Comédie Française. Oui, 463e. Vous n'êtes pas tout seul. Quand on a été sociétaire du Français, on l'est à vie, c'est un peu comme l'armée, et on se balade toujours en croyant qu'on a toujours cette responsabilité. La solitude en art, que ce soit musical, pictural, etc., elle est absolument obligatoire. Tu ne peux pas créer à deux. Ah non, non, merci. Non, il y a pas Mozart, Wolfgang et Mozart, Rainer Mozart. Non, non. Et puis il y a pas Jean-Baptiste Poquelin et Paul Poquelin. Non. Ça veut dire que, au contraire, et je voudrais m'adresser à ceux qui nous écoutent, alors d'une façon philosophique, on est tous doubles, on le sait, masculin, féminin, on a tous une double personnalité. Ce qui est si beau, si émouvant, en art, justement, c'est d'être obligé de choisir l'une des deux. Et je pense que, avec le misanthrope, Molière met sur scène les deux faces de sa personnalité. Il a été, lui aussi, un philinte pour obtenir du roi Louis XIV le baptême de la troupe du roi. Il a été aussi, lui, un philinte. Quand tout d'un coup, il a fallu qu'il accepte autour de lui, à l'intérieur même de sa troupe, comme avec sa maîtresse, la marquise du Parc, qui fout le camp avec Racine, comme avec sa femme, qui tombe amoureuse de Baron, le jeune comédien. Lui aussi, il a joué son philinte. Et tout d'un coup, ce qui est magnifique dans le misanthrope, c'est qu'il sépare ces deux parties de sa personnalité. Et celle qui, justement, est à ses yeux, la seule qu'il veut laisser comme empreinte derrière lui, c'est celle d'Alceste. Il y a réussi. Oui, si ce n'est qu'Alceste sans philinte ne survit pas longtemps, justement. Ça, c'est une réflexion féminine absolument extraordinaire. Pourquoi comme féminine? Nous. Mais si, je dis féminine parce que c'est vous qui mettez au monde. Ça veut dire que vous mettez au monde parce que vous êtes deux. Non, alors on peut être une femme sans mettre au monde. On peut ? On peut être une femme sans mettre au monde. Je crois que mettre au monde, c'est pas seulement mettre au monde physiquement, c'est avoir des enfants, les sortir de son ventre. Non, on peut mettre au monde aussi soit une œuvre, soit un homme. Je veux dire, ça veut dire que on nourrit quelqu'un pour qu'il aille jusqu'au sommet de ce qu'il est. Et ce qui est magnifique avec Molière, comme auteur dramatique, c'est qu'il nourrit ses personnages pour les élever. Ce qui veut dire que les femmes dans les pièces de Molière... On va les entendre d'ailleurs, oui. ...sont tellement nourries qu'elles sont exceptionnelles. Ah, c'est ça, sa grande force. Écoutons Célimène et Arsinoé à la scène 5, pardon, de l'acte 3. C'est Louise Comte dans le rôle d'Arsinoé et Marie Sabouret dans le rôle de Célimène. Madame, on peut, je crois, louer et blâmer tout et chacun a raison, suivant l'âge ou le goût. Il est une saison pour la galanterie, il en est une aussi propre à la pruderie. On peut, par politique, en prendre le parti quand de nos jeunes ans l'éclat est amorti. Cela sert à couvrir de fâcheuses disgrâces. Je ne dis pas qu'un jour je ne suive vos traces. L'âge amènera tout, et ce n'est pas le temps, madame, comme on sait, d'être prude. À 20 ans. Certes, vous vous targuez d'un bien faible avantage et vous faites sonner terriblement votre âge. Ce que de plus que vous, on en pourrait avoir n'est pas un si grand cas pour 100 ans prévaloir. Et je ne sais pourquoi votre âme ainsi s'emporte, madame, à me pousser de cet étrange sort. Et moi, je ne sais pas, madame, aussi pourquoi on vous voit en tout lieu vous déchaîner sur moi. Faut-il de vos chagrins sans cesse à moi vous prendre? Et puis je mets des soins qu'on ne va pas vous rendre. Si ma personne aux gens inspire de l'amour, et si l'on continue à m'offrir chaque jour des vœux que votre cœur peut souhaiter qu'on m'ôte, je n'y saurais que faire, et ce n'est pas ma faute. Vous avez le champ libre, et je n'empêche pas que pour les attirer, vous n'ayez des appâts. Hélas! Et croyez-vous que l'on se mette en peine de ce nombre d'amants dont vous faites la veine? Et qu'il ne nous soit pas fort aisé de juger à quel prix aujourd'hui il faut les engager. Pensez-vous faire croire à voir, comme tout roule, que votre seul mérite attire cette foule, qu'il ne brûle pour vous que d'un honnête amour et que pour vos vertus, ils vous font tous la cour? On ne s'aveugle point par de vaines défaites. Le monde n'est point dupe. Et j'en vois qu'ils sont faits à pouvoir inspirer de tendres sentiments qui, chez elles, pourtant, ne fixent point d'amant. Et de là, nous pouvons tirer des conséquences qu'on n'acquiert point leur cœur sans de grandes avances, qu'aucun pour nos beaux yeux n'est notre soupirant, et qu'il faut acheter tous les soins qu'on nous rend. Célimène est celle qui séduit presque tout le monde, mais devant Arsinoé, Célimène devient Alceste, Francis Huster. Ce qu'on vient d'entendre, Adèle, est absolument la réussite parfaite, la perfection dans la déclamation. C'est pour ça que C'est toujours la même mise en scène. Alors bon, vous l'avez conseillé, mais finalement, c'est pour dire que c'est pas celle que vous partagez. Alors je suis un peu gênée. Mais pas du tout. Ne soyez pas gênée. Ce que j'explique justement, c'est que on peut tout à fait être déclamateur et être merveilleux. La musicalité, c'est absolument mais parfait. C'est la perfection. Et c'est justement ce que réussit bien souvent Fabrice dans ce qu'il fait lui. C'est la perfection. Ce que j'explique depuis simplement. Depuis le début de l'émission, vous confondez Fabrice Lucchini avec le rôle qu'il joue dans le film de Philippe Leguet. Pas du tout. Tout ça, ce que j'explique, c'est que justement, on peut atteindre la perfection dans un certain style, mais que ce que l'on vient d'entendre, c'est la perfection reportée dans l'histoire. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne parle de cette façon-là. Personne ne respire de cette façon-là. Personne ne pense même de cette façon-là. Donc il faut jouer comme on vit. Exactement. On peut plus interpréter le misanthrope de Molière sans trahir Molière si on le fait comme ça sur scène. Ça veut dire à ce moment-là, on fait un musée Molière et dans lequel, au travers des siècles, il y a les représentations telles quelles par rapport au moment où on situe la pièce. Si on la situe aujourd'hui, ce sont des jeunes de 18 ans, elle a même pas 20 ans, Célimène. Et quand elle se trouve, comme vous le disiez, en face d'Arsinoé, elle fait encore plus que jouer son Alceste. Et c'est ce qui manque simplement dans l'interprétation dont on vient d'entendre, puisque c'est une interprétation stylée, c'est qu'elle est amoureuse d'Arsinoé. C'est-à-dire que c'est votre hypothèse. Mon hypothèse. Que Philomèle est amoureuse d'Arsinoé? Elle est amoureuse de la vie. Elle aime les gens. Quand j'ai dit elle est amoureuse, ça veut pas dire qu'elle veut coucher avec. Ça veut dire que elle aime cette femme. Elle la distrait, cette femme. Elle voit tout d'un coup une femme qui fait partie de l'écrin, soi-disant, du monde. Et elle sait que c'est exactement comme Philinte, une tordue, une avare, qui ne paye même pas ses gens qui travaillent pour elle, qui est une saleté, qui se fait passer pour quelqu'un de très chrétien et qui, en fait, n'en a rien à foutre. Donc, elle l'aime. C'est dans ce sens-là qu'elle l'aime. Ça veut dire que c'est plus amusant de recevoir quelqu'un qui vous émerveille par son hypocrisie, sa méchanceté, que d'avoir quelqu'un qui est de votre avis, puis qui vous emmerde, quoi. Voilà, bon, finalement, on n'a pas grand chose à se dire. Elle s'amuse, Célimène, avec elle. Exactement. Elle aime la vie. Elle est veuve, c'est le secret du rôle. Elle est désespérée. Donc libre. Elle est veuve, elle est libre, elle a énormément de fric. Sa cousine et elle vont faire des emplettes, il n'y a pas de problème, c'est magnifique. Et elle veut vivre. C'est même pas une histoire de baiser. Elle baisse pas avec les marquis, elle baisse pas avec Acas, avec l'Italie. Frédéric Oronte. Non, elle veut vivre, elle veut s'amuser, quoi, ça va. Je veux me marier. On verra bien dans 3-4 ans, les enfants et le reste. C'est là où, justement, se situe la modernité de Molière. Elle est amoureuse d'Alceste ou pas? C'est pire que ça. Elle aime se faire aimer. Mmh. Je ne sais pas si vous, vous aimez vous faire aimer, Adèle, ou si vous ne le supportez pas, ou si tout d'un coup, qu'une personne vous aime et les autres, mais foutez-moi la paix. Elle, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ce duo marche extraordinairement, c'est que Alceste déteste tout le monde et finit par se détester lui-même, alors qu'elle, elle aime tout le monde et elle s'aime tellement elle-même qu'elle ne veut pas céder. À la fin, elle se sépare de lui. Parce qu'il n'aime pas ce qu'elle est vraiment, ouverte aux autres. Et le duo marche parce qu'ils sont totalement contraires. Donc elle, Célimène aime Alceste plus que Alceste n'aime Célimène? Bien évidemment, Alceste n'aime pas Célimène. Il a jamais aimé personne. Qu'est-ce qu'il aime, Alceste? Jamais, ça, il n'aime pas. Il n'aime mais rien, même. Non, non, non. C'est ça qui est extraordinaire. Est-ce que Molière aimait quelqu'un? Je ne pense pas. Il se détestait lui-même tellement. Ah, il se croyait tragédien. Il voulait imposer ce naturel de jeu, un peu comme Chaplin est un tragédien dans tous ses films. Il impose un naturel de jeu qui n'a rien à voir avec les pitreries des autres acteurs du cinéma muet, Max Hennet, Max Linder, etc. Et ce Molière se détestait d'avoir raté sa carrière de comédien, parce qu'à ses yeux, il a raté sa carrière de comédien. Et la preuve, c'est que quand il interprète tout d'un coup sa pièce Don Juan, c'est un échec. Sa pièce Le Misanthrope, c'est un échec. Et il n'a du succès que dans les pitreries que le public vient voir, même s'il les joue avec naturel, avec ce... Tout d'un coup, c'est un triomphe Scapin, tout d'un coup, c'est un triomphe Scannarelle ou Le Cocu Imaginaire, tout d'un coup, Le Médecin Malgré Lui. Il se déteste. Il considère que comme auteur, il a raté sa carrière, parce qu'il sait très bien que rien ne restera, voilà ce qu'il imagine, comme Sacha Guitry, ouais, qui disait à sa dernière représentation, rien restera de moi. Hein, mon petit Danet, croyez-moi, ce soir nous allons interpréter De Bureau, rien ne restera après Guitry de Guitry. Et c'est exactement pareil, ouais, pour Molière. Et c'est pour ça que c'est beau. C'est la revanche, comme Shakespeare, qui était persuadé aussi qu'il disparaîtrait. C'est la revanche de qui? Bah, de ceux qui ont pris l'œuvre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un grand auteur, un grand artiste? Comment on a pu cracher sur Picasso, ce génie, cet homme qui a osé traverser justement le miroir et nous faire pénétrer dans l'autre monde? Mais on n'a pas arrêté d'entendre des conneries. Oh, Picasso, mais c'est pas un pote, Picasso, mais ça fait marrer des conneries avec Picasso. Supporte, mais oui, c'est le plus grand. Donc, il se trouve que c'est exact Van Gogh, qui n'a jamais su qu'il allait devenir Van Gogh. Il est mort, il avait laissé des centaines de tableaux. C'est une horreur. Il se trouve que justement, je crois, hein, c'est ce que m'apprenait justement l'un de mes maîtres, Antoine Vitesse, au conservatoire. Je me souviens d'une conversation avec lui au café juste à côté du conservatoire, où je disais, mais comment ça, tu te rends compte s'ils revenaient sur Terre et qu'ils se rendent compte à quel point ils sont des légendes et tout? Justement, ce qui est beau, c'est que les légendes, ce sont celles qui sont revivifiées par le peuple, qui sont redécouvertes par le peuple, car qu'à ce moment-là, le peuple en fait lui-même sa propre création. Et c'est ce qui se passe avec Molière. D'ailleurs, vous parliez de Guitry, c'est Lucien Guitry qui remet en scène pour la première fois Molière. Adèle. En 1922, Guitry crée un misanthrope à Édouard VII. Donc Lucien. Révolutionne tout. Lucien Guitry, son père, qui va créer d'ailleurs aussi, je dis créer parce que c'est une vraie création, en fait, de trois chefs-d'œuvre de Molière, dont bien sûr l'École des femmes. Et ce misanthrope de Guitry était, mais comme le disait Jean-Paul Roussillon tout à l'heure, plus que noir, quoi, dans le crépuscule même de l'âme humaine. Et puis, bien sûr, on peut pas parler de Molière sans parler à la fois, comme le faisait d'ailleurs très justement dans le film, le personnage qu'interprétait. Eh bien, le voici. Jouvet. Que ce soit dans Les Précieuses, Ridicules ou Le Médecin Malgré Lui, que ce soit dans les farces ou les intermèdes composés à la hâte, écrits dans la fièvre de l'adhésion et du succès, dans le plaisir de plaire, ce qu'il y a d'essentiel dans les œuvres de Molière, c'est leur aimable générosité, c'est la tendresse qui les imprègne. Ce n'est jamais de vengeance qu'il est question dans une œuvre dramatique, mais toujours de fraternité. La pièce de théâtre n'est jamais une volonté, elle est un message. Une grande pièce de théâtre n'est pas un parti pris, c'est la délivrance d'un état intérieur. Pour l'auteur, comme pour nous, Elle est d'abord un moyen de fuir la vie, de l'amplifier, même en la raillant. Elle est surtout pour lui le moyen de l'embellir, le moyen de nous parler, de nous exhorter et d'établir entre les hommes une communication et un courant de sympathie et d'amitié. C'était donc Louis Jouvet, une conférence prononcée à l'université de Boston le 3 mars 1951. On est quand même dans la déclamation là, Francis Huster. Mais c'est magnifique. Quelle merveille, quel dieu Jouvet, vraiment. J'ai eu la chance de pouvoir faire une conférence sur Shakespeare en anglais, parce que je parle anglais, à Harvard. Et la différence entre, justement, Shakespeare et Molière, parce que c'est vraiment, ce sont les deux plus grands, hein, médaille d'or Shakespeare, parce qu'il a osé défier Dieu, ce que n'a pas fait Molière. Et médaille d'argent Molière, et puis après on peut mettre médaille de bronze, allez, on va aller vers Tchekhov. Il se trouve que lui, c'est la poubelle de la société, oser ressortir de la poubelle ce qu'on a cru bon de jeter et qui au fond devait vivre. Mais ce qu'il y a de merveilleux entre Shakespeare et Molière, c'est que chez Molière, comme le dit si tendrement lui-même Jouvet, c'est cette générosité de partager avec les autres. On partage les grands héros de Molière et les héroïnes de Molière. On les aime, on les découvre, on les respecte parce qu'elles se battent. Et chez Shakespeare, c'est le contraire. On les hait. C'est-à-dire que la plupart des héros de Shakespeare, on les hait. On les hait parce qu'ils n'ont pas vu les autres. Jules César n'a pas vu les autres. Othello n'a pas vu les autres. Il va jusqu'à tuer Desdémone. Richard III, alors lui, il les voit pour les tuer, pour les écraser. C'est absolument mais magnifique. Et il faut que Henri V, tout d'un coup, à la fin de la bataille qu'il a gagnée, se mette à lire les défunts, les morts, pour que enfin son cœur s'ouvre et qu'il voit les victimes. Je trouve que pouvoir offrir comme justement c'est la morale et la mission de l'éducation nationale, pouvoir offrir à ces jeunes qui voient justement ce que dit magnifiquement Jouvet, sortir de cette vie de sang, cette vie d'horreur qui est en face de nous, cette vie de combat aussi, on est bien d'accord, pour rentrer grâce à l'art dans un imaginaire qui finalement est peut-être beaucoup plus proche de notre vérité humaine. Mais c'est-à-dire ouais, aller vers l'autre. C'est ce que font les profs au quotidien. Pourquoi vous êtes si dur avec l'éducation nationale? Je suis si dur avec l'éducation nationale, je ne suis pas si dur avec les profs, je suis dur avec ceux qui sont au-dessus. Comment on peut tolérer qu'on parle, par exemple, dans l'école des femmes, d'Agnès, comme si c'était une petite idiote qui dit le petit chat est mort, alors que ça s'appelle l'école des femmes, ce qui signifie pour Molière que les femmes nous apprennent tout de la vie et qu'elles n'ont pas besoin, même si on les soumet, même si on ne veut rien leur apprendre. Mais attendez, les femmes, jusqu'à quand? Elles n'avaient même pas le droit d'avoir une banque, même pas le droit d'avoir d'argent, même pas le droit de discuter, même pas le droit de conduire, même pas le droit de faire la guerre, enfin tout. Donc ça veut dire que à son époque, il y a 400 ans, lui, Molière, dénonce ça. Et tout d'un coup, justement, il met sur scène ces femmes et il nous apprend à les aimer. Oui, ça pour le coup, tous les commentateurs s'accordent à dire que Molière est féministe. Il n'y a plus personne qui tient la thèse d'un Molière misogyne. Oui, et c'est sûr et certain aussi Adèle qu'aujourd'hui, il écrirait une pièce sur les féminicides et il écrirait bien sûr une pièce sur ce qui est en train de se passer dans le monde. Est-ce que vous voulez aller dans le désert, vous, avec Alceste? Alors je veux dire, je vais essayer d'avoir l'alibi d'avoir été à côté de vous pendant 7 heures de philosophie. Le désert d'Alceste est un désert que je hais. C'est le désert par rapport aux hommes, alors que le désert dans lequel moi je suis, c'est mon désert intérieur. C'est celui de Célimène. Oui, c'est-à-dire que chaque jour, quand la journée se termine, je me demande dans mon désert intérieur comment je me suis conduit, si j'ai fait ce qu'il fallait faire, et vraiment en faisant la balance, c'est toujours du 50-50. Qu'est-ce qu'on peut se reprocher le soir de ne pas avoir fait? C'est incroyable. Et je pense que cette maturité incroyable qu'ont maintenant les jeunes à 12 ans, à 15 ans, nous on l'avait à 30 ans, mais sérieusement, à 40 ans, on était disciplinés, on était mais vraiment soumis. Et je pense que le rôle justement de l'éducation nationale, c'est grâce à l'art, grâce en particulier à Molière, de donner la parole aux jeunes, de leur laisser la possibilité de réagir, de partager, bien sûr, toutes les valeurs, les belles valeurs de ce pays et de ceux qui l'ont servi et qui le servent encore, mais en même temps, de s'opposer à toutes les règles. La vraie règle, c'est celle de Molière, c'est de considérer qu'il n'y en a pas. Merci Francis Huster. C'est moi qui vous remercie, ça vient à peine de commencer, c'est déjà fini. Et c'est déjà fini. On peut lire votre dictionnaire amoureux de Molière aux éditions Plon. Vous aviez écrit aussi Poquelin contre Molière, un duel à mort, c'est aux éditions Armand Collin. Et on peut vous voir samedi 12 mars, il y aura la diffusion du téléfilm Meurtre sur les îles du Frioul. Sylvie M, le metteur en scène. Sur femme, voilà encore une femme. Et on a un merveilleux couple avec... avec Banster, avec Jérémy Banster. Eh bien, on vous regardera. Il est temps d'accueillir Frédéric Worms pour sa chronique quotidienne de philosophie, le pourquoi du comment. Pourquoi parle-t-on de biopouvoir ? Au tournant des années 1980, le philosophe Michel Foucault a inventé une expression qui a connu un succès fulgurant, au point de désigner pour certains le cœur de ce que nous vivons aujourd'hui. Cette notion, c'est la notion de biopouvoir. Aujourd'hui, il est vrai, tout est bio. Tout se consomme bio, tout doit être bio. Mais le bio, ce n'est pas seulement un retour à des normes supposées positives de santé publique, c'est d'abord, selon Michel Foucault, un nouvel état du pouvoir dans nos sociétés. Un pouvoir qui, désormais, avance masqué dans le contrôle de plus en plus minutieux de nos vies. Un pouvoir qui n'est peut-être pas d'abord politique, selon lui, mais qui est aussi économique et qui s'infiltre jusque dans le contrôle de tous les aspects de nos corps. Et beaucoup, dans l'épreuve de la pandémie, dans la question de la santé, quand elle se retourne en contrôle sur nos vies, ont vu la preuve de la vérité de la notion foucaldienne, comme on dit, de biopouvoir. Mais cette notion va peut-être plus loin encore que ce que pensait Michel Foucault lui-même. En effet, pour lui, le biopouvoir est une nouvelle étape dans une histoire du pouvoir marquée par des ruptures radicales. C'est un nouveau pouvoir de vie et de mort, mais qui tranche avec un ancien pouvoir de vie et de mort qui s'exerçait au nom d'une transcendance, au nom de quelque chose qui dépasse nos vies. Selon Michel Foucault, le droit de vie et de mort du souverain ancien, théocratique, s'oppose au contrôle sur la vie qui rejette aussi certains dans la mort de nos sociétés modernes. Telle est, selon lui, la nouveauté du biopouvoir. Mais on pourrait aussi voir, dans cette analyse, quelque chose de transhistorique, quelque chose de peut-être plus profond encore, qui serait au fond au cœur du pouvoir entre les humains, véritablement la notion de pouvoir de vie et de mort, que cela se traduise et peut-être toujours à la fois par la revendication du souverain transcendant qui existe encore dans nos sociétés, ou par le contrôle sur nos vies qui existait déjà dans les sociétés prémodernes, même s'il prend des formes nouvelles aujourd'hui. Peut-être cette notion de biopouvoir nous frappe-t-elle non seulement par sa nouveauté dans des techniques nouvelles de domination, mais aussi de résistance, mais aussi par le rappel que tout pouvoir est au fond un pouvoir de vie et de mort, qu'il faut construire le pouvoir d'abord contre la mort pour éviter aussi dans la santé ce qui peut nous détruire, ce qui nous conduit à la maladie, mais aussi évidemment éviter le risque que le pouvoir lui-même devienne mortifère, éviter le risque qu'il devienne meurtrier, qu'il devienne assassin, qu'il se retourne comme peut-être un danger plus grave encore que les dangers supposés vitaux, organiques, naturels et qui en effet sont toujours lié aussi à la domination entre les humains. Parler de biopouvoir, c'est donc aussi rappeler que le pouvoir est toujours lié à la lutte contre la mort et à la résistance des vivants. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique Le Pourquoi du Comment est à retrouver en ligne sur le site de France Culture. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Jules Barbier avec Manon de la Selle, Thaïs Éloi Hammer, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Lila Bozès, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Nicolas Delmas. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de Molière. Demain, je recevrai Éric Ruff qui viendra vous parler du malade imaginaire que vous pouvez voir en ce moment même à la Comédie Française. Allez-y, c'est une mise en scène extraordinaire. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission grâce notamment à l'application Radio France qui vous permet d'écouter l'émission en direct, mais aussi de la télécharger, de la podcaster, et nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.